Tu dis que les jeunes et les adultes se sont retrouvés, finalement, dans ces mouvements-là. Donc, c'était quoi la place des jeunes qui revenaient de la guerre et qui portaient justement ce témoignage à l'intérieur de ces mouvements qui étaient parfois très structurés, parfois très politisés Alors, il y avait, bon, grosso modo, il y avait d'abord le Gérogène, qui est le nom de fait état, qui est les 40 et quelques mouvements de jeunesse qui ont commencé à prendre position pour la paix en Algérie. Ça a été très dur, c'était des négociations très longues, parce que bon, beaucoup de mouvements de jeunesse issus, en ce qui concerne les dirigeants, les plus importants, issus de la résistance, hein, beaucoup étaient issus des résistants, n'ont pas pris la dimension politique, la plupart d'entre eux, de ce qu'était le soulèvement de 1954, pour la bonne et simple raison qu'ils s'étaient ancrés dans l'esprit de l'Empire français qui avait vaincu le nazisme. Et pour ma foi, les colonies, c'était quand même aussi un moyen de répandre le bien. Donc, allez leur donner l'exemple de ce que pouvait être chez eux, ce que nous étions chez nous. Donc, ils n'ont pas analysé la plupart du temps. Et la dimension politique est venue d'un certain nombre de leurs militants, c'est clair, au retour d'Algérie ou même au moment où ils étaient sur place. Alors, il y a des mouvements qui se sont distingués dès d'entrée de jeu. Un des plus forts mouvements qui a pris conscience tout de suite, et c'était un mouvement de chrétiens, hein, la route, entre autres. Hein, la route, c'était un moment assez fort. La route, c'était à la fois un journal, un bulletin, mais c'était une structure des Scouts de France, et qui d'entrée de jeu, on dit que ça n'a rien de chrétien que d'aller combattre des gens qui veulent leur indépendance. Et ça a été fort, ça a été fait dès les premières années. Ils se sont heurtés aux autres dirigeants de beaucoup de monde, de jeunesse, on ne va pas se mouiller dans cette affaire. Quant au Parti communiste, c'est pareil. C'est les militants communistes, car le Parti communiste n'a jamais soutenu les insoumis. Hein, il les a soutenus indirectement par un discours politique en disant qu'il y a des atrocités qui se commettent en Algérie, mais il ne faut quand même pas oublier que le Parti communiste était, aujourd'hui j'en sais rien, il en existe peut-être peu, mais à l'époque c'était quand même un parti communiste qui était nationaliste. L'Empire français, c'est quand même pas mal. Bon, je vais vite en disant ça. Hein, bon. Mais, c'est à la fois les deux mouvements qui, à l'époque, prenaient conscience de ce qu'était vraiment la guerre d'Algérie, le mouvement chrétien, le mouvement communiste. C'est né de leurs simples militants, hein, ou même le petit quart de ces mouvements. Donc, les jeunes qui revenaient à l'Algérie, en fait, ils réagissaient par leurs tripes, par rapport à ce qu'ils avaient vécu, par leur idéologie, car ils voyaient. Les communistes voyaient là-bas qu'en fait, la colonisation, c'était vraiment l'exploitation. Donc là, c'est à nouveau un discours politique marxiste. La colonisation, en fait l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est clair. Et ça, il le crie très fort. Donc je suis contre. Je suis contre parce que politiquement, c'est pas dans mon idéologie. Et puis, quant aux chrétiens, c'est par rapport à la parole de Jésus, on ne fait pas de mal à l'autre, on respecte l'autre, etc. Donc, il y avait cette double réaction. Ils se sont heurtés très fort, y compris les chrétiens, par rapport à la hiérarchie catholique, y compris les jeunes prêtres, hein, qui étaient parmi ceux qui, effectivement, ont refusé la torture contre leur hiérarchie militaire catholique sur place, ont refusé la torture de commettre un certain nombre d'actes, et qui, au retour, ben, ils ont été soumis, moi aussi. Dans les entretiens que j'ai eus avec plusieurs prêtres, hein, aujourd'hui bien âgés, à la retraite d'ailleurs, mais quand on revenait dans notre séminaire, on avait encore, certains d'entre nous, encore une année à faire, etc. Mais c'était le silence. Il fallait qu'on se taise. On ne pouvait pas parler des exactions ni des tortures qui étaient pratiquées par l'armée en Algérie. Ça nous était défendu. On nous disait qu'on mentait, qu'on racontait des histoires. C'est les prêtres d'aujourd'hui qui me racontent ça. Alors ça, c'est par rapport à un certain nombre de prêtres qui ont pris, hein, qui avaient une sensibilité peut-être plus forte que d'autres, et qui ont osé parler, osé dire. Certains que j'ai rencontrés me disant même que c'est 30 ans après qu'il a pu commencer vraiment à... Je veux dire, la part d'un prêtre, c'est quand même pas mal, hein, d'en arriver là. Donc, oui, ils étaient isolés, les jeunes. Alors, ceux qui n'étaient pas du tout dans des militants, dans des mouvements comme moi, qui étaient les plus nombreux quand même. Moi, j'étais dans aucun mouvement politique, ni de jeunesse. Par contre, je partais en Algérie un an avant, on m'a demandé d'animer un ciné-club. Bon, j'étais surtout sportif, je faisais beaucoup de sport, mais je n'étais pas tellement engagé. Par contre, j'ai beaucoup lu des philosophes, d'un certain nombre d'auteurs, et qui m'ont formé à... Et puis l'éducation de mes parents, mon frère qui était dans le maquis, tout ça se mêlait, et qui fait que j'étais mieux armé que beaucoup d'autres à résister à tout ça, et que je m'en suis quand même pas mal sorti. Mais on le doit à son éducation, on le doit... à ses lectures, voilà. Mais j'étais pas du tout engagé dans aucun mouvement politique. Je m'y suis engagé après, à mon retour.